La troisième partie du voyage du comte d'Authière d'André Suarez, poète et essayiste français né en 1868, mort en 1948, s'intitule « Sienne la bien-aimée ». Et avec la même acuité, la même originalité que pour les livres précédents, « Vers Venise » de 1910 et « Fiorenza » plus tardif, il parcourt paysages, œuvres d'art, personnages historiques et beaucoup d'autres objets dans des descriptions aiguës et profondément senties. Nous avons choisi, dans ce dernier livre, terminé après un dernier voyage en Italie dans les années 20, un seul extrait, sur un seul thème, parmi la foison habituelle de l'auteur, Urbino. Page arrachée au voyage du comte d'Authière d'André Suarez. Troisième livre, Sienne la bien-aimée. Extrait. La duchesse Contadine. Entrée à Urbain. Urbain, dans sa retraite blottie au nœud de la péninsule et du continent, des monts et de la vaste plaine, entre les Marches, la Toscane et l'Ombrie, est ce qu'il y a de plus italien peut-être en Italie. Tout ce qu'on attend de l'Italie est à Urbain une fleur en bouton. Cette petite ville peut donner l'idée de 100 villes plus grandes ou plus illustres, sinon plus belles. Et on en peut aimer 100 autres en elle. Le paysage d'Urbain est d'une aménité délicieuse et toutefois d'une gravité pleine de grâce. Ici, la grandeur est calme et riante. L'air est vif, la lumière caressante, les lignes d'une naturelle harmonie. Elle est digne sans doute de ses fils les plus fameux, Raphaël et Bramante, mais elle l'emporte bien sur eux. Je voudrais qu'Urbain fût la patrie de la Béatrice du Purgatoire et de ce magnifique architecte, le dalmate Luciano de Laurana, qui l'a tant embelli. Les papes ont dépouillé Urbain. Les plus fameux manuscrits de la Vaticane viennent de la librairie du Bon Duc. Quelques chefs-d'œuvre font encore du petit musée, installé au palais ducal, un des plus précieux de l'Italie. On ne sait pas tout le génie de Piero della Francesca si l'on n'a pas vu ces trois tableaux d'Urbain. Même à Rimini, même à Borgo San Sepolcro, il n'a pas la qualité où il atteint dans sa Vierge à l'enfant et dans la Flagellation. Cette Madone est d'une puissance extraordinaire. En robe rouge, avec un manteau gris un peu conventuel, au revers d'un bleu sombre, entre deux anges légèrement en retrait, l'ange rose à droite, l'ange bleu pâle à gauche, la divine jeune femme est une Minerve. Son visage est de l'ovale le plus parfait. Ni tendresse, ni charme aimable, la douceur des traits n'empêche pas l'expression d'être celle d'une vierge guerrière, Pallas elle-même, toute roidie d'avoir un enfant sur les genoux. On ne saurait parler de sa gravité, elle est au-delà de toute émotion passagère. Elle fait son office sublime. Elle n'est pas triste, elle a l'austère sérénité du destin. Elle ne prévoit pas son sort de mère, elle l'accomplit dans ce grand calme virginal, pareil au miroir de la mer à l'aurore. Une haleine d'indestructible volonté anime ce visage, comme ceux de l'enfant et des deux anges, enfants de cœur farouche. Tous deux croisent les bras. Ils sont d'assez petite taille, on ne les voit qu'à mi-cuisse. L'ange rose est presque terrible. Les yeux des quatre figures sont pour beaucoup dans le style tragique de cette œuvre, qui tient d'Eschyle. Hallucinés, ils hallucinent. Noire pupille dans un cercle parfaitement blanc, peut-être la couleur s'est-elle effacée avec le temps et les sclérotiques n'avaient-elles pas, d'abord, cette blancheur éclatante. On peut en penser autant des chairs, elles sont réduites au dessin. Les lacs se sont volatilisés, il n'en reste pas trace. Les terres seules sont fixées sur le panneau de bois. au visage, au col, aux mains, à la poitrine, à la moitié du ventre de l'enfant, dans les seules parties nues, il en résulte une impression singulière de sobriété essentielle, de puissance ramenée à l'idée. Et une fois de plus, la manière de Pierrot, si on peut appeler manière un si grand style, fait penser à la plus belle et plus vieille peinture de la Chine. Étrange part de l'Orient dans ce peintre unique. Pas du tout le pittoresque à la Bellini. Quelque chose de profond et d'intérieur, comme chez Rembrandt, et dans un sens tout opposé. Rembrandt est souvent un oriental par le cœur et l'émotion sensible. Tout dans Pierrot est de l'émotion spirituelle et de la pensée. On ne peut pas voir un dessin plus sûr et d'un œil plus personnel. Il presse la réalité jusqu'aux plus petits détails et il noie tous les détails dans l'ensemble. Les mains sont incomparables. Qui a vu deux ou trois mains de Léonard les retrouve partout, ce sont toujours les mêmes. Ici, Pierrot donne à chaque figure la main de son emploi, de sa vie, de son destin, de sa nature. Cette sainte Vierge du Parthénon regarde droit devant elle, non pas son Jésus, mais le monde, l'univers et cette sphère sans issue. D'ailleurs, ses mains exquises, qui n'ont jamais plus travaillé que les lys du roi Salomon, tiennent chacune un pied de l'enfant. Et la main droite serre même le pied du bambin avec une énergie implacable. Il est engagé dans les doigts comme dans la moitié d'un bas ou d'un gant. Reste l'enfant Jésus. Le mystère de l'Orient dans Piero della Francesca nous murmure encore quelques rêveries. Le sage enfanson, au geste si puéril, qui lève sa menotte grasse et de l'autre tient une petite rose blanche, a proprement la tête et même la pose d'un Bouddha. Grande, calme et triste, sa bouche, ignorante du lait et de tout sourire, s'entr'ouvre mystérieusement. Peut-être soupire-t-elle, ou bien elle prononce les paroles souveraines qui font écho au lotus de la bonne loi, plutôt qu'aux paraboles de l'Évangile. Enfin, la flagellation. Non seulement ce tableau est le plus beau de Pierrot le Grand, il est des quatre ou cinq chefs-d'œuvre qui dominent sur toute la peinture en Italie. Ce panneau de bois, qui a beaucoup souffert du temps, est plus rare encore par la nouveauté de l'expression. Parut-il extraordinaire en 1470 ? Il l'est toujours, et neuf aujourd'hui même. C'est la seule peinture italienne, avec quelques morceaux de Paolo Uccello, qu'on ne s'étonnerait pas de voir au milieu des œuvres les plus modernes. Il est d'abord prodigieux par l'invention. La scène est établie sur une double échelle. Au premier plan, à droite, sur un tiers du panneau, trois grands personnages, un de face entre deux autres de trois quarts ou de profil, sont presque deux fois plus hauts qu'au second plan le Christ à la colonne, flagellé par un bourreau. Du bras, un aide tourmenteur maintient Jésus et une sorte de juge assis surveille l'exécution du supplice. Il ne faut pas parler de la merveille en tous sens que l'art de peindre accomplit dans cette peinture, la hardiesse de l'ordonnance, le goût incomparable de l'architecte, la beauté de la nature morte, le dallage, les plafonds, les notes bleues qui font l'harmonie générale de l'œuvre sur des accords aériens ou puissants de rouge assourdi. Tout ce qui concerne la description d'un tableau m'a toujours paru inutile, à une réserve près, quand on met en lumière tel ou tel trait admirable qui échappe à l'attention des peintres mêmes. Tout le miracle peint mis à part, il y a ces trois figures inoubliables, qu'on peut appeler le grand prêtre du temple de Jérusalem, le proconsul de Rome et le prince des pharisiens. Ils sont là, en arc tendu jusqu'à la corde, l'ancienne religion, la puissance des lois et de la conquête, le pouvoir inexplicable des Juifs. À deux pas du portique et de la colonne où Jésus est fouetté, ils font un étrange concile. Étonnés et pourtant résolus, on dirait qu'ils écoutent. Ils entendent les coups de fouet, le souffle du supplice, les soupirs de la victime et l'ahant du bourreau. Ils se tiennent debout et comme exaltés dans leur silence, sur le fond du paysage, un jardin de Damas, et le ciel bleu, adorable entre les fenêtres, là où les murs finissent sur l'air libre et le feuillage des orangers. Ils ne s'entretiennent pas de l'exécution qu'ils ont ordonnée, mais ils en sont obsédés. Ils ne se disent plus rien, mais chacun d'eux est hanté de tout ce qu'il a lui-même à se dire. Ainsi commence le grand drame de cette œuvre sublime. D'une haute beauté, ardemment sensible, le grand juif en simar, coiffé d'un bizarre turban carré, la barbe assez longue, divisée en deux pointes, a le regard fiévreux de la haine près de l'amour, ou d'un amour qui tourne en haine. Une émotion déchirante le parcourt, et d'autant plus qu'il la garde pour lui, qu'il voudrait la cacher aux deux autres, et qu'il s'irrite de la laisser paraître, car il la voit, et il le sait. S'il n'était pas si ému, il comprendrait qu'à leur façon, ces deux témoins ne le sont pas beaucoup moins que lui. D'ailleurs, l'effroi aiguise en lui l'inquiétude. Une peur presque cruelle accompagne toutes ses pensées. Sa bouche frémit, il est prêt de crier « Assez !» ou « Tuez-le, finissons-en !» Il a les oreilles pleines de ses souffles torturés. Il a vu ce visage et sa douleur le poursuit. Il y tourne en vain le dos, cette misère humaine n'a pas un son qui ne retentisse en lui. L'homme au milieu, tout de face, le plus fort, le plus large, tête nue, blond, les cheveux hérissés, rond visage solaire en tunique rose qui a dû être rouge, brave le jour et se défie lui-même. Il est hagard. Peu lui importe s'il s'est trompé, son erreur ne compte que pour lui. Il veut se le persuader et par instant, il se le persuade. Pour Rome, il est en règle. Il est la loi et il faut que la loi s'exécute. Au fond de lui, un trouble qu'il n'a jamais prévu le travaille. Se moquant de cet homme aux yeux inévitables, de ce prophète comme il l'appelle, un fou comme ils sont tous dans ce pays et tous rebelles, il lui a dit par dérision « Alors, tu es roi, tu es Dieu. » Et l'autre a répondu « Tu l'as dit. » Jamais thaumaturge n'a eu ce visage, cette flamme pure, cette profonde et jeune majesté. Et après, peu importe, peu importe, peu importe, un juif de plus ou de moins, flagellé, torturé, mis en croix ce soir même, quel poids ce fétu peut-il avoir dans la balance de Rome? Si ce fol est le dieu des juifs, que les juifs s'en arrangent avec lui, et qu'il s'en arrange avec eux. Rome a mieux à faire que de s'en soucier. Oui, et pourtant, il se roidit. Il se tend dans une volonté implacable et qui lui coûte. Il se répète « J'ai voulu et je veux ». Sa volonté fait en lui un tonnerre de cloches qui doit assourdir le reproche intérieur et qui ne parvient pas à en pacifier les ondes, à niveler ni endormir l'inquiétude. Le troisième est un grand mandarin de la Chine, un lettré dont la drogue multiplie 100 fois l'éminente littérature. Dans sa magnifique robe azur à ramages d'or, il est impassible. Une ombre contre le milieu de son crâne rond fait songer à la queue de Han. Celui-là n'est pas troublé, mais il pèse l'œuvre du moment, et le fait politique l'inquiète quelque peu. Il est celui dont la présence force les autres à se vaincre dans leur angoisse ou leur doute. Lui-même, devant les supplices, il est tranquille avec ennui, comme le Chinois, prince de l'Empire, qui fait couper la tête à 100 à 1000 rebelles qui ont pillé le trésor de l'État et tué les agents du fisc. Il n'y a pas à se soucier davantage, ces incidents populaires sont dans l'ordre comme le reste. Cependant, le Christ est le plus petit, le plus frêle des personnages. Il est lié à une colonne ionienne qui porte au sommet un dieu antique ou un héros, le bras levé bien au-dessus de Jésus. Dans la main, il a une boule, une pomme. Est-ce l'heureux berger Paris? Et peut-être montre-t-il le calvaire. Longtemps, longtemps, je reste debout contre la fenêtre ouverte, à contempler l'heureux pays et la campagne sereine dans l'ardeur et la fin lente d'un beau jour. Accoudé au même appui, le duc et la duchesse, les seigneurs, les artistes, Piero della Francesca, Uccello, Laurana, Balthazar Castiglione, le parfait homme de cour qui a rédigé l'éthique du courtisan honnête homme sous la Renaissance, tous ces beaux esprits et toutes ces belles ont vu ce que je vois. Je n'ai pas besoin de les appeler, elles se penchent avec moi sur la sage contrée, ces ombres qui furent heureuses. Urbain est une de mes plus fortes tentations, celle de l'oubli. On est loin de tout dans ce nid de la Pennin. C'est une île d'abandon tranquille, mais au milieu d'une nature charmante et noble, où l'art reste présent et d'autant plus vivant qu'il est méconnu. Ceux d'Urbain se plaignent qu'on a ruiné leur ville et qu'elle est presque morte. On ne fait rien pour elle. Toutes les routes s'en écartent, passant plus bas ou plus haut. Elle avait une école de dessin, sous le patronage du divin Sanzio, comme ils le nomment. Ils ne l'ont plus. Leur petite académie s'est dispersée en poussière. On leur a pris leurs livres, leurs tableaux, leurs objets. On a réduit leur université aux moindres disciplines, le droit et la pharmacie. Ces bocaux même sont vides de poison. Ils sont délaissés de toute manière. Pour ma part, je ne veux pas les plaindre. Il faudrait seulement leur rendre une ample et nombreuse librairie, et les facultés éminentes, les lettres, les études antiques, la géométrie, à défaut des autres sciences qui exigent des laboratoires. De bons maîtres feraient venir à Urbain une foule d'étudiants. On devrait en faire l'université des jeunes filles, à l'abri de la cohue et des mœurs grossières. Où serait-on mieux pour apprendre, pour cultiver une fleur de gentillesse ancienne et pour élever son esprit ? Sur une petite place irrégulière, où confluent toutes les grosses rues de la ville, se croisent tous ceux qui ont quelque affaire ou qui ne sont pas à la maison. Aux quatre tables d'un petit café, le client fastueux peut fort bien rester assis tout l'après-midi à boire son verre de vin ou sa tasse d'eau chaude. On se rencontre devant la poste. Les rendez-vous muets se font en regard de côté, en clin d'œil sournois. Dans l'Italie présente, les jeunes hommes et les jeunes femmes sont séparés en public par toute la largeur de l'hypocrisie sociale. Un air empesté de fausses vertus répand l'ennui. On ne les voit jamais ensemble. Ou c'est la chiennerie du mariage, impudemment étalée, une espèce de reproducteur qui donne le bras à sa femelle enceinte, tous deux poussant du genou leur grouillante progéniture qu'ils tiennent par les mains. Il n'est pas plus sale spectacle que cette alcôve et ce lit conjugal en promenade. Les amants sont proscrits au nom du pape, de Romulus, de Rémus, de l'état civil et de Virginie, ainsi soit-il. Comment les sexes se vengent ? Vigny le sait peut-être. Auguste et Livy sont toujours dupes, et c'est bien fait, il est nécessaire qu'ils le soient. L'État est imbécile, qui se permet de régler les mœurs, et les hommes sont des lâches qui l'acceptent. Non plus des citoyens, mais les têtes d'un troupeau. Jadis, avant la guerre, pas une jeune fille seule dans les 15 ou 20 rues d'Urbain, pas une qui ne fût accompagnée. Quelques-unes, à présent, vont et viennent sans chaperon ni duègne. Elles vont par 2 ou 3, des amis ou des sœurs. On m'assure que dans le petit nombre des étudiants, on compte quelques étudiantes. Ces petites cachent leur gaieté, et les jeunes gens semblent les fuir. Tout s'explique. Ils ont une espèce d'air un peu sévère, qu'on perce du premier regard, et si affecté qu'on s'en irrite. Le mensonge de la vertu est la pire corruption. Il n'y a aucune vertu à ne pas faire l'amour. Si ces jeunes gens ne se soucient pas d'aimer, à quoi donc pensent-ils ? Même dans cet asile, où persiste une vie ancienne, à 100 lieues du Capitole et des chaises curules, les mœurs nouvelles imposent donc leur insupportable artifice. Urbain est plus beau qu'au temps de sa splendeur, sans doute. Tout alors était bois, chasse, forêt sur ses collines. À présent, tout est nu. La vigne a eu raison de la haute futaie. Entre les boqueteaux, ça et là, les yeux et les cyprès, les cultures qui sont si avenantes, et le sérieux patient des éteules. Quoi de plus émouvant que le chaume roux ? Et le labour gris, peau de bœuf, les mottes dures en rouleau, compactes à l'égal de la pierre ? Urbain doit avoir plus de gravité qu'autrefois. C'est la tristesse à peine murmurée de la beauté rare, qui ne regrette pas la beauté qui fut, mais qui y fait songer. Oh, que cette mélancolie me retient. Le sourire aérien d'une tristesse ardente est mon arme de jet, et le trait n'atteint ce que je vise qu'après m'avoir traversé. Percé, je perce. À quelques 2 ou 3 000 pas de la ville, je me suis assis dans les sillons épais, au bas d'une vigne. J'ai toute la capitale du bon duc, au loin, sur ma gauche, et si je me tourne, devant moi, urbain, duchesse et villageoise. La contrée alentour est une riche et féconde paysanne. Au-dessus du ravin, le fossé d'où surgit la ville comme une flamme, le marché est plein de paysans, de charrettes, de bouviers, de paniers, de fruits, de bœufs et d'ânes. Un charmant nuage lilas fait voile vers le ponant. Vermeil et plus léger qu'un mirage, le palais ducal flotte sur une ombre. À la crête de la hauteur qui me fait face, la même qui porte Urbain et d'onde en onde va jusqu'à la Pennin, j'admire une blonde bâtisse qui brille. Elle semble de briques roses et de pierres jaunes. Sur un large étage carré, elle se coiffe d'une espèce de touret ou bourrelet comme le bonnet de paille des enfants qui ne marchent pas encore, et le soleil lui donne le doux éclat du maïs doré. Est-ce une grande ferme, cette demeure tranquille ? Je l'envie. Son assiette et sa forme enclosent le calme. Une paix étonnante l'enveloppe. Il y règne sans doute un silence plein de charme, une humeur sereine, faite d'ordre, de noblesse et de pensée active. Harmonie d'une mesure propice à la méditation, comme à toute musique. On me dirait que cette ferme est une église délaissée et l'œuvre de Bramante, je n'en serais pas surpris. Elle en a la ligne et le profil, une sorte de solennité rustique et de savante simplicité. Église, elle ne parle pas de prière, mais de séparation. Elle n'invite pas seulement au repos, mais à quelques retraites fécondes, dans la passion et la vie secrète. Aujourd'hui, qu'il est beau d'avoir un secret. La séduisante demeure aux proportions assez heureuses pour purger d'ostentation un vaste espace. Elle est vermeille. Elle semble faite d'épis mûrs et de gerbes. Elle est ardente et harmonieuse. J'en ferai bien ma maison, aux portes de cette petite ville que ne valent pas 100 capitales. C'était Page arrachée au voyage du comte d'Authière d'André Suarez. Troisième livre, Sienne la bien-aimée. Extrait. Texte dit par Nicolas Racca. Groupe de réalisation, Clémence Grosse, Marie Le Peintre, Élodie Royer, Étienne Vallès. Voyage du comte d'Authière d'André Suarez est publié aux éditions Granit.